Voilà, donc la clé est en marche. Donc Antoine, je te donne la parole. Ils sont là, les jours heureux? Hein? Ils sont là, ouais. Oui, bonjour, merci tout le monde. Alors, je vais vous parler donc de l'Afrique et de la résistance. C'était le sujet. Alors après, je me suis rendu compte que quand on parle de résistance, tout de suite, c'est un petit peu compliqué de quoi on parle quand on parle de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je tiens à préciser d'abord que, donc voilà, donc je vais parler de l'Afrique, de la part de l'Afrique dans l'effort de la résistance, donc la France libre. Et puis après, si j'ai le temps, je vous ferai une petite présentation sur quelques résistants qui, après la guerre, sont allés en Afrique ou ont eu de différentes relations vis-à-vis de l'Afrique. Alors, je tiens à préciser que moi, je suis pas spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vais donner des informations essentiellement, et n'hésitez pas à me corriger après dans le débat si j'ai fait des erreurs. Voilà. Merci. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est ce dont je voudrais vous parler d'abord, c'est la question du caractère assez marginal de la place de l'Afrique dans la Seconde Guerre mondiale et dans la résistance. Dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire générale, l'histoire qu'on nous donne à l'école, qu'on nous apprend à l'école, l'histoire qu'on a dans les médias. Et je me suis rendu compte que, également en préparant cette intervention, que quand on parle de résistance, en fait, on parle de résistance intérieure, la résistance des Français en métropole. Or, la résistance, c'est censé être la résistance intérieure et la résistance extérieure. Parce que je sache, De Gaulle avant 1944, entre 1940 et 1944, il n'est pas en France. Et pourtant, il a un rôle assez important, je dirais, dans la résistance, dans l'effort de résistance. Donc ça m'a assez intéressé. Alors on pourra peut-être discuter de ça, de qu'est-ce qu'on appelle la résistance, entre résistance intérieure, résistance extérieure, France libre. Le nom qu'on donne à cette résistance extérieure, c'est la France libre. Et on remarque en fait une distinction entre la résistance intérieure qu'on appelle la résistance avec un grand R, qui serait composée d'hommes, d'individus engagés, d'organisations, de braves Français qui résistent contre les nazis, et la résistance extérieure qu'on appelle la France libre, c'est le général de Gaulle. Et voilà, le général de Gaulle et quelques valeureux Français avec aussi par exemple Leclerc et d'autres. Or, ce que mon point, c'est que la résistance, elle constitue un seul mouvement. C'est le mouvement de résistance contre l'Allemagne nazie, contre les forces de l'Axe, et qu'elles soient intérieures ou extérieures, eh bien, on parle de la même chose. Et alors, si on parle des hommes valeureux et des organisations, de ceux qui se battent contre les Allemands en France, ben, parlons aussi de ceux qui ont combattu l'Axe, non pas en France, mais en Afrique. Alors, on commence en juin 40, quand la France est vaincue. Je pense que vous connaissez un petit peu tous l'histoire de la défaite. On a l'appel du 18 juin par le général de Gaulle, qui alors est un officier assez peu connu, voire pas du tout connu des Français, et qui lance cet appel qui est assez peu entendu. Pourtant, il y a une personne qui entend cet appel, parmi les quelques personnes qui ont témoigné avoir entendu l'appel, c'est le gouverneur du Tchad. Ce gouverneur du Tchad, c'est un Guyanais qui s'appelle Félix Eboué, et qui va entraîner à partir à partir du 26 août, il entraîne le Tchad derrière la France libre et les FFL du général de Gaulle. Et dans les trois jours qui suivent, c'est toute l'AEF qui suit la résistance et qui se range du côté de De Gaulle. Alors ce qui est très important de dire, c'est qu'une fois le Tchad passé du côté de De Gaulle et le Cameroun, le Gabon qui sera conquis un petit peu plus tard, on a le Lubangui, la Centrafrique, et on a également le Congo Brazzaville. Mais une fois que c'est fait, la France libre de Gaulle, elle acquiert un territoire. Et avec ce territoire, elle acquiert une légitimité vis-à-vis des forces alliées, et notamment vis-à-vis des Britanniques. Le 12 novembre 1940, De Gaulle place à la tête, en tant que gouverneur général, Félix Eboué, à la tête de l'Afrique équatoriale française, auquel il adjoint un commandant militaire qui est le général de l'Armina. Mais cette assise territoriale, elle n'offre pas seulement une légitimité au pouvoir, elle permet à la France libre d'engager des manœuvres militaires. Et ces manœuvres militaires sont engagées dès novembre 1940. Et dès 1940. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est sur cette armée qui se forme, ces forces françaises libres, pendant très longtemps, on ne savait pas exactement, on avait différents témoignages. Bon, les historiens, on ne les entendait pas trop, on entendait surtout des anciens militaires français qui nous donnaient des chiffres qui ne correspondaient pas les uns avec les autres. Maintenant, on sait à peu près quels sont les chiffres de cette France libre de 1940 à 43, c'est-à-dire avant la fusion avec l'armée d'Afrique. Elle est de 39 000 Français engagés et de 30 000 soldats coloniaux. Du 21 décembre au 2 mars 41, c'est-à-dire au tout début de la guerre, on a la première victoire des forces françaises libres à la bataille de Koufra, qui se trouve dans le sud libyen. Dans cette bataille qui relance l'armée française, c'est-à-dire c'est la première victoire des forces françaises libres qui vont libérer par la suite l'ensemble du territoire et de l'Empire, on compte 300 soldats tchadiens et camerounais qui se battent aux côtés d'une centaine de Français dirigés par Leclerc. Et c'est à cette occasion que le régiment prononce un serment, qui est le serment de Koufra. Alors je vous le lis, c'est jurer de ne déposer que les armes, que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Ça, c'est le serment de Koufra. Donc désormais, les forces françaises libres, la France libre, marchent vers la victoire en combattant les forces de l'Axe, et notamment les Italiens, qui sont en Afrique. Et alors, il y a la grande bataille de Bir Hakeim en mai-juin 42. Et bon, je ne vais pas vous parler de tous ces exploits, mais je vais vous parler de tous ces exploits de ces forces françaises entre 1940, 42 et 43. Je rappellerai juste que la résistance française, elle commence à s'organiser avec le Parti communiste et le Front national à partir de mai-juin 1941, et qu'il faut attendre le 27 mai 1943 pour que Jean Moulin, qui est arrivé en France début 1942, réunisse l'ensemble des forces de la résistance intérieure et en créant le Conseil national de la résistance. C'est le 27 mai 1943. Et c'est ce Conseil national de la résistance qui va faire poids sur les alliés pour imposer De Gaulle à la tête de la France libre, des forces de résistance et du futur gouvernement provisoire, alors que les Anglais et les Américains, qui équipaient un peu tout le monde, qui étaient la principale force dans la guerre, voulaient imposer quelqu'un qui s'appelait Giroud, qui était un militaire, qui était un général très réactionnaire. Et c'est le CNR et les forces françaises libres, avec leurs exploits et leur capacité à influencer les autres officiers de l'armée d'Afrique, c'est-à-dire les forces qui étaient en Afrique du Nord et en AOF, et qui avaient été prises par les alliés, eh bien ces officiers-là vont progressivement se rallier à De Gaulle. Dans le courant de 1943, durant l'été 43, qui est assez important, parce qu'on voit par exemple la création de l'armée française en août 43, et ensuite le comité national de la libération française qui est formé le 3 juin 43. Donc ce comité national, c'est le gouvernement français en exil. Il deviendra le gouvernement provisoire de la République un an plus tard, le 3 juin 1944, et c'est lui qui dirigera toute la libération. Alors, avec la jonction de l'armée d'Afrique, on a désormais une armée qui est non plus composée de soldats français et de soldats tchadiens, centrafricains et camerounais. Et là, on a tout l'apport de l'armée d'Afrique, c'est-à-dire tous les tirailleurs d'AOF et puis tous les soldats du Maghreb. Donc on se retrouve avec une armée française de la libération qui compte environ 60% de soldats maghrébins. Et à côté aussi, on a des soldats noirs. Et ce sont eux, c'est cette armée-là qui est formée durant l'été 1943, qui part de la Tunisie, qui va remonter, qui va faire toute la campagne d'Italie, et qui ensuite va remonter en France et qui va libérer la France et faire la jonction avec les Américains, avec les Alliés qui ont débarqué. Alors, Là, on arrive, on est en 1944. En 1945, vous devez connaître l'affaire de cette armée composée d'Africains qui arrive aux portes de Paris au moment de la libération et qu'on blanchit. Et ce blanchiment a été demandé pour des raisons politiques par les Américains, notamment Eisenhower, pour des raisons politiques. Et il est imposé à la colonne de Leclerc. Donc les soldats noirs ne rentreront pas victorieux dans Paris. Pour sachant que ce sont ces mêmes personnes qui étaient engagées depuis 4 ans aux côtés du général de Gaulle pour la libération du territoire. Mais on va dire ce blanchiment, ce sont les Américains, ce sont des racistes. Bon, c'est relativement dans l'ordre des choses à l'époque pour les États-Unis. Donc on peut les accuser. Mais il y a une chose dont on ne parle moins. C'est la question du blanchiment au moment avant au mois d'octobre, durant l'automne 1944. Donc après la libération de Paris, les forces, donc ces forces françaises libres, cette armée française, foncent vers l'est, vers Strasbourg. Et on sait que à Strasbourg, il faut hisser les couleurs sur la cathédrale. C'est le fameux serment de Couffrat. Or, ce serment solennel prononcé en 1941, il n'est pas respecté. Parce qu'on a à nouveau un blanchiment massif des forces de l'armée française. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les Américains qui demandent le blanchiment. C'est l'armée française qui procède au blanchiment. Alors, pourquoi ce blanchiment en fin 44? Alors, pour deux raisons. On pourrait dire c'est le racisme de l'armée française, mais en fait non. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça fait plusieurs mois que les soldats d'AOF, mais aussi les soldats d'AEF, tous les soldats noirs de cette armée, commencent à rouspéter, à ne pas être d'accord vis-à-vis du traitement qui leur est fait. Et on a des petits débuts de mutinerie, et ça inquiète fortement les autorités militaires et les autorités de la France libre. On a aussi la conférence de Brazzaville qui offre des perspectives politiques, sociales aux populations d'Afrique. Et tout cela, ça crée un climat qui inquiète énormément l'état-major français et l'état-major français. Mais autre chose, ce qui se passe pendant cette libération, donc à partir de l'été 44 et autres, c'est qu'on a les forces françaises de l'intérieur qui sont en armes. On a l'insurrection qui a pris à partir de juste après le débarquement. Et ça veut dire qu'on a plein de groupes plus ou moins autonomes qui sont armés, qui sortent et qui ont tout à fait la capacité, au cas où ils se fédéreraient et autres, de résister à l'autorité du général de Gaulle. Alors ce blanchiment, c'est juste une opération qui va consister à demander aux soldats africains de retirer leur uniforme, de laisser leurs armes et au même lieu donner ses uniformes et ses armes aux forces françaises libres, c'est-à-dire aux Français, pour pouvoir les enrégimenter et éviter ces deux menaces. Donc une fois la France libérée, il faut quand même que je le dise, que deviennent tous ces soldats français qui sont prêts pourtant à se battre et qui ont subi le blanchiment? Pour des raisons officielles, le blanchiment, c'est à cause du froid. Voilà, c'est à cause du froid, c'est pour qu'ils ne souffrent pas du froid. Il faut le dire quand même. Bon, ces soldats africains, ils sont donc démobilisés. Et il y en a, et parmi les soldats démobilisés, alors ceux-là, plus précisément, ce sont des soldats qui avaient été faits prisonniers, qu'on récupère, qu'on pourrait remobiliser dans l'armée, mais non, on les démobilise et on les renvoie. Et on leur fait attendre la paye, comme tous les autres soldats africains. Certains grognent. Je vais pas dire qu'ils se révoltent, ils se mobilisent, ils s'organisent, et ils sont massacrés, certains, le 1er décembre 1944 à Thiaroy. Il y a un très bon film à voir sur le camp de Thiaroy. De l'autre côté, l'armée française montre également qu'elle n'a pas perdu la main en mai 1945 avec les massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Alors je vais vous parler du CNR, qui est le Conseil National de la Résistance. et qui s'est organisé donc à partir de 43 et qui s'accorde sur un texte commun, un programme qui est adopté le 15 mars 1944 et qui est intitulé « Les jours heureux ». Alors on trouve dans ce texte un plan d'action immédiate relatif à la libération du territoire, ainsi que cinq types de mesures. Parmi ces cinq types de mesures, on a des mesures économiques, concernant par exemple la démocratie dans les entreprises, la nationalisation, une planification. On a aussi des mesures sociales, dont la plus célèbre, c'est la sécurité sociale. Et on a, en quatrième point, des mesures relatives à l'éducation. Et le troisième point, je vous le lis, de ces cinq points du programme, c'est une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. Alors, c'est intéressant parce que sur toutes les propositions de mesures, on a des points détaillés. Or là, c'est très très vague. Alors, comment ça se fait ? Comment ça s'explique ? Ça s'explique du fait qu'il y a un véritable débat qui est à l'œuvre à ce moment-là, pendant toute la guerre, entre ceux qui veulent réformer profondément l'Empire français et ceux qui veulent mettre en place des réformes, je dirais, à la marge. La première option, c'est celle qui est défendue notamment par Félix Éboué, qui appelle à la transformation de l'Empire dans un système fédéral avec plusieurs entités autonomes et l'arrêt de la politique d'assimilation. L'autre position est beaucoup plus jacobine et beaucoup plus centralisatrice. Et elle est défendue par les gouverneurs et les administrateurs coloniaux. Et c'est eux qui s'imposent à Brazzaville. Alors, ils s'imposent à Brazzaville en donnant quelques mesures à la marge. Et la raison, à mon avis, pour laquelle on a juste une phrase sur la question des réformes à apporter à l'Empire, c'est que le CNR n'est pas favorable aux décisions qui ont été prises par l'administration coloniale à Brazzaville. Et donc, le débat reste ouvert entre une solution libérale fédéraliste et une solution du stade. Oui. La question, donc cette question-là, elle va être débattue en permanence en 46, mais il n'y aura pas vraiment de solution avec. C'est une sorte de solution intermédiaire que sera l'Union française. Ensuite, on a la réforme, la loi cadre, qui autonomise un peu plus les territoires africains. Et ensuite, je dirais que la formule fédérale qui était prônée par Éboué et d'autres pendant la guerre, elle est finalement adoptée avec la communauté qui réunit donc tous ces territoires, toutes ces anciennes colonies au sein de la communauté dirigée par la France qui conserve le contrôle des ministères des Affaires étrangères et autres. Mais on crée des petites républiques autonomes un petit peu partout dans les anciens territoires. Et tous ces territoires sont liés à la France par la constitution de la 5e République qu'ils ont adoptée par référendum le 27 septembre 58. Alors donc on voit que voilà, et alors donc maintenant, après les indépendances, la communauté ne vivra pas longtemps, et après les indépendances, eh bien, le système de relations entre la France et son empire, bon, il va se maintenir, je peux vous donner des exemples. On a tous les accords commerciaux et militaires. Quand je parle d'accords commerciaux, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les APE que l'Union européenne veut signer avec les territoires africains. On a le franc CFA, on a les réseaux France-Africains, et aussi des organisations telles que l'Organisation internationale de la francophonie. En France, je vais passer ça, je vais juste vous dire qu'en France, dans la résistance intérieure, il y avait aussi des Africains. On comptait par exemple 52 Africains dans le maquis du Vercors, et on compte 15 Africains dans l'Ordre de la Libération qui compte 1063 membres. Mais parlons, alors voilà, je sais pas où je suis, j'ai encore un peu de temps. Oui. Alors, deuxième partie, je vais vous parler des Français, des résistants de l'intérieur. Et en commençant par deux membres du Conseil national de la résistance qui ont édité donc ce programme du CNR et leur relation avec l'Afrique après la guerre. Alors, le premier membre du CNR, il s'appelle Louis Saillant. C'est un ouvrier sculpteur sur bois qui était membre de la CGT et qui entre dans la résistance en même temps que les communistes, c'est-à-dire entre fin 40 et la mi-1941. Et c'est lui, il représente la CGT au sein du CNR. Donc après la libération, en octobre 1945, il participe à la fondation de la Fédération syndicale mondiale, donc c'est-à-dire l'organisation qui regroupe tous les syndicats mondiaux qui sont proches, qui sont pro-communistes, au congrès de Paris début octobre 1945. Alors j'en parle de cette Fédération syndicale mondiale et de ce congrès de Paris parce que ils ont joué des rôles très importants dans le mouvement nationaliste et la lutte anticoloniale en Afrique. Par exemple, on a donc ce congrès qui est début octobre à Paris, mais la présence de tous les délégués syndicaux communistes et plutôt anticolonialistes a permis à aux organisateurs du 5e congrès panafricain de Manchester, alors je peux vous les citer, on a George Padmore, on a Du Bois, on a Kwame Nkrumah, on a Jomo Kenyatta, qui profitent de la présence et du soutien de tous ces délégués syndicaux pour organiser donc ce 5e congrès Manchester qui lance la décolonisation, la lutte anticoloniale et de libération nationale en Afrique. Et avec Louis Saillant à la tête de cette fédération syndicale mondiale jusqu'à la fin des années 60, eh bien, la FSM apportera un appui très important aux forces syndicales africaines qui joueront un rôle de premier plan dans la lutte de libération nationale. Un deuxième membre du CNR, c'est Daniel Mayer. Alors Daniel Mayer, c'est un homme politique socialiste, donc qui était à la SFIO, qui représentait la SFIO au sein du CNR. Donc la SFIO, c'est l'ancêtre du Parti socialiste. Il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale entre 1946 et 1949. C'est-à-dire qu'il est le père de beaucoup des acquis sociaux que notre génération défend depuis plusieurs années. C'est Daniel Mayer. Et dans un premier temps, il a été assez silencieux, donc à la fin des années 40 et au début des années 50, sur les questions de l'Empire et des colonies. Mais très rapidement, en fait, il va s'inquiéter de la politique menée par son parti et le gouvernement français et tous les gouvernements français en général vis-à-vis de l'Algérie. Et ça va l'amener à prendre des prises de position qui vont l'écarter de la SFIO progressivement. Et en 1958, il dénonce le retour au pouvoir de Gaulle et le ralliement du Parti socialiste au retour de Gaulle. Le Parti socialiste, c'est la SFIO. Et donc, il démissionne la même année, en 1958. Il forme un parti rival à la SFIO. Et il prend la tête de la Ligue des droits de l'homme pour combattre la Ligue des droits de l'homme qui était très engagée contre la politique française en Algérie et qui a dénoncé fortement les pratiques de torture, notamment. Alors ça, c'était deux membres du CNR, deux grandes figures politiques. Alors je vais vous parler de quelqu'un d'un peu moins connu, mais qui est connu, qui est assez connu dans le milieu anticolonialiste, c'est René Vautier. René Vautier, il intègre la résistance en 1943 à l'âge de 15 ans. Il est décoré de la Croix de guerre et cité à l'Ordre de la Nation en 1944. Arrivé premier de sa promotion à l'Institut des hautes études cinématographiques en 1948, il est envoyé en Afrique l'année suivante. Entre-temps, il a rejoint le Parti communiste. Il est envoyé en Afrique, en AOF, pour faire un reportage sur les conditions de vie dans les villages, notamment de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, pour que ce documentaire soit ensuite diffusé dans toutes les écoles de France, pour montrer comment les petits Africains, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin de toute la politique que la France va mettre en œuvre. Or, sur place, il voit les conditions horribles dans lesquelles vivent les populations africaines, et il décide alors de réaliser un documentaire à charge qui s'appelle Africa 50. Alors la police, avant de ses activités, elle lui saisit une partie de ses bandes, mais il réussit à en faire sortir quelques-unes, et il produit ce film qui s'appelle Africa 50, qui restera illégal, interdit en France. On lui rendra ses bandes officiellement, l'État lui rendra ses bandes en 1996, et la première diffusion de son documentaire à la télé date de 2008. Après un court séjour en prison, parce que quand même, voilà, il fallait, fallait un peu le punir, Vautier retourne en Algérie, où il tourne Une Nation, l'Algérie, ce qui est une provocation au milieu des années 50 de parler de nation algérienne quand on est français. Et il rejoint également le Maquis dans le même temps, où il tourne différents films. Il reste en Algérie jusqu'à, il va rester en Algérie pour tourner des films favorables à la révolution algérienne jusqu'à la chute de Ben Bella en 1965. Un autre résistant, il s'appelle Yves Benoît, de son vrai nom Édouard Hellman. Il rejoint la France libre en 1943 en compagnie d'un autre résistant, Armand Gatti, suite à la déportation de ses parents, qui il est d'une famille juive. Après la guerre, il se lie au milieu surréaliste parisien. Il enseigne les lettres au Maroc et collabore aux différentes publications du PCF. Dans les années 50, il s'intéresse de plus en plus aux luttes anticoloniales, ce qui l'amène à rejoindre la Guinée quand la Guinée accède à l'indépendance et que la France retire tous les moyens, en fait. La France retire tous les moyens qui étaient accordés à sa colonie guinéenne. Tous les fonctionnaires sont rappelés et il y a un appel de la jeune Guinée indépendante à des fonctionnaires pour suppléer à tous ceux qui sont partis. Yves Benoît répond à l'appel. Il va enseigner en Guinée jusqu'en 1961. Et le fameux complot des enseignants qui permet au régime de Sékou Touré de réaliser une purge au sein de son parti. Et d'éliminer toute la gauche au sein du la gauche qui était dominée par les syndicats des enseignants, qui étaient auprès desquels Yves Benoît était proche de ces syndicats. Donc il décide de claquer la porte de la Guinée et il se rend au Ghana, le Ghana de Nkrumah, qui lui a pris une direction différente, qui s'est radicalisée et qui engage une politique très très forte qui prendra le nom de révolution africaine. Alors au Ghana, il va co-diriger l'Institut des langues, qui formait les diplomates, tous les agents ghanéens qui étaient chargés de propager le panafricanisme un petit peu partout en Afrique, mais qui ne parlaient pas forcément français. Donc il fallait un institut pour leur apprendre le français. Il fallait aussi produire de la documentation en français. Voilà, c'est cet Institut des langues où travaillait Yves Benoît, avec un autre militant d'extrême gauche qui est Roger Genoux. Voilà, il a travaillé au Ghana jusqu'à la chute de Nkrumah en 1966. Donc il quitte le Ghana et il retourne en France. Je peux vous citer certains de ses livres parce qu'il a écrit plusieurs livres sur l'anticolonialisme et qui sont particulièrement intéressants. Alors vous avez un classique qui est l'idéologie des indépendances africaines, qui est sorti chez Maspero. Vous avez aussi, il a travaillé sur Diderot, de l'athéisme à l'anticolonialisme. Il a travaillé sur la révolution et l'anticolonialisme. Il a travaillé sur les députés africains au Palais Bourbon et sur les massacres coloniaux. En 93, il prend la présidence de l'Association pour l'étude de la colonisation européenne, une position qu'il conservera jusqu'à sa mort. Je continue, je vous en donne d'autres. Je vous parlais de Jacques Vergès, que certains doivent connaître. Il s'engage dans la résistance à 17 ans en 1942. Avec les FFL, il participe à toutes les campagnes. Et ensuite, il rejoint le PCF à la Libération. Il devient secrétaire de l'Union internationale des étudiants en 1952. Il s'engage, donc, il est très actif dans l'anticolonialisme. Devenu avocat, il prend la défense du FLN qu'il rejoint. Et il s'illustre en tant qu'avocat dans la défense de Djamila Bouhired, une militante de l'UFLN qui avait été torturée par l'armée française. Il quitte le PCF en 57. Il prend la nationalité algérienne. Il se convertit à l'islam. En 62, il fonde des revues à Alger, d'abord Révolution africaine, puis Révolution. Il se convertit au maoïsme. Il reste en Algérie. Et il reste en Algérie jusqu'en 1970 et sa disparition. Vergès disparaît de 70 à 78 et il ne réapparaît qu'à la fin des années 70 où il s'illustre en tant qu'avocat défenseur de la cause des travailleurs qui étaient logés par la Sonacotra. C'est une grande lutte des années 70. Il a été l'avocat des travailleurs migrants et de leur exploitation par leurs bailleurs. Un autre résistant s'appelle Jean Suré-Canal, géographe et historien spécialiste de l'Afrique. Après avoir visité le Dahomey et l'Indochine en 38 et 39, il adhère au PCF et il rejoint les francs-tireurs et partisans dès le début de la résistance communiste, c'est-à-dire en 41. En 46, il enseigne au lycée de Dakar avant d'être expulsé par les autorités qui n'aiment pas trop son engagement anticolonial. Il revient en Afrique à l'occasion de l'indépendance de la Guinée. Comme Yves Beno, il s'engage, il travaille dans la Guinée indépendante. Mais il est à nouveau contraint par la France de quitter la Guinée au risque de perdre la nationalité française. Donc après être revenu un petit peu en France, il retournera en Algérie où il travaillera un petit peu pendant quelques années, avant de revenir en France où il enseignera à Paris 7. Et il s'engage au sein du MRAP et de l'Association de solidarité avec les peuples d'Afrique. Alors je peux aussi, vu que je vous parle des résistants, je peux aussi vous parler de certains résistants qui n'ont pas été favorables et qui ont eu une action plutôt néfaste au mouvement de libération nationale en Afrique. Alors vous avez une grande figure de la résistance qui est Pierre Messmer, qui a rejoint la résistance dans les premières heures et qui s'est distingué notamment au Cameroun à la fin des années 50, où il a mené la guerre contre l'UPC. Et une guerre assez violente et très très mal connue encore en France. D'autres figures de la résistance, je vous en donne trois, qui eux ne sont pas des résistants de la première heure, qui ont plutôt rejoint la résistance à partir de 43. On a François Mitterrand, qui a été ministre de la France d'outre-mer et qui a réussi à rallier le RDA de Houphouët Boigny, opposition française, c'est-à-dire pro-jacobine. On a Bernard Connu-Gentil, qui a été gouverneur de l'AOF en 1958, et Louis de Guiringot, ambassadeur de France au Ghana entre 58 et 60, qui ont été particulièrement effectifs dans ils ont joué un rôle de premier plan. Je vais vous lire ça. En fait, dans le combat contre le mouvement panafricaniste qui visait à libérer tous les territoires africains et ensuite les unifier au sein d'une grande fédération, voire d'une unité, d'une grande entité centralisée. Alors, je vais conclure. C'est bon, j'ai encore un peu de temps. Ouais, je conclue. Oui, donc comme l'a écrit Eric Jennings, dans un livre qui est sorti très récemment, en 2014, « La France libre fut africaine », je cite, « L'AEF et le Cameroun ont été appelés jusqu'en 1943 à compenser la quasi-totalité de l'Empire, mais également la métropole, hors combat elle aussi. C'est donc à la fois pour sa contribution à l'effort de guerre allié et en raison de l'africanité méconnue du mouvement gaulliste de 1940 à 1943 que l'histoire de l'Afrique française libre interpelle. » Elle présente à ce titre une correction omise d'une résistance essentiellement londonienne et métropolitaine. Voilà, je pourrais parler plus, mais on va. Je vous remercie pour votre attention et puis on peut discuter maintenant. Merci beaucoup, Antoine. Du coup, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à lever la main, je passe le micro quand ce sera votre tour. Qui se lance ? Non. J'étais persuadé que Pierre allait se lancer, mais tu te lances. C'est par rapport au terme que tu as utilisé au début de blanchiment. Je me demandais si c'était un terme qui existait déjà à cette époque-là ou qui a été trouvé depuis pour dire ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, en fait ? J'ai pas tout à fait compris ce que ça recouvrait. Alors, j'ai pas une réponse exact à ta question. Je sais pas exactement, j'ai pas assez étudié cette question là pour pouvoir te répondre, mais je dirais que le blanchiment, ça doit être un terme qui, à mon avis, oui, devait être utilisé à cette époque là qui a son équivalent dans l'anglais, whitening, et qui, à mon avis, devait être pratiqué, qui a été pratiqué justement à la demande des Américains. Et à l'époque, en quoi ça consistait, le blanchiment ? C'est extrêmement simple, c'est juste, on, euh, on, on, on empêche, on prend un corps d'armée et on exclut de ce corps d'armée toutes les personnes qui ont la peau noire. Voilà. Mais la question est assez intéressante parce que quand on parle de blanchiment des forces armées, ça touche ce qu'on appelait les tirailleurs. C'est-à-dire, ce sont des Africains, ce sont des coloniaux. Et si on prend par exemple les Antillais, les volontaires antillais, dont faisait par exemple quelqu'un dont je n'ai pas parlé, qui est Frantz Fanon, il faisait partie de ces volontaires, eh bien eux sont aussi noirs, mais par contre ce sont des citoyens français, vu que ce sont vu qu'ils sont antillais. Et eux ils sont allés jusqu'en Allemagne. Eux, ils n'ont pas été victimes du blanchiment. Donc c'est pour dire qu'on parle de blanchiment parce qu'en fait, on pense beaucoup à l'affaire symbolique de la libération de Paris. Mais le blanchiment, c'est pas quelque chose qui est d'ordre profondément raciste. C'est le blanchiment qui a eu lieu à l'automne 44, c'était vraiment pour des considérations politiques. Voilà, vraiment pour des considérations politiques que j'ai données tout à l'heure. Merci. D'autres réactions ou questions ? Ouais. Oui, la situation des Africains dans l'armée française, il y a le film de Debbouze, hein, Indigène, vous l'avez vu, qui est très explicite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a aussi les Espagnols. Parce que comme étrangers dans la division Leclerc, ils ont constitué c'était une forte minorité et qui s'était battue contre Franco. Donc c'était des soldats très expérimentés. Et ce sont eux qui ont ouvert la route de la division Leclerc à Paris. Oui, on parle. C'est pour ça, hein, une fois de plus, les considérations sont pas toujours racistes. C'est-à-dire qu'on parle, on parle pas beaucoup des Africains qui ont fait la route, qui se sont battus jusqu'aux portes de Paris, mais on parle pas non plus des Espagnols, des antifascistes espagnols qui également ont ouvert la voie. Donc dans les deux cas, quand on ne parle pas des choses, voilà, ce sont pas seulement des considérations de racisme, ce sont des considérations politiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, je l'ai plus entendu comme son côté raciste, quoi. Et du coup, ouais. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait même des hommes politiques de couleur, en fait, à cette époque-là. Non, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais... Des hommes politiques de couleur ? Ah oui, bien sûr, oui, il y a des hommes politiques... On a des hommes politiques. Et puis bon, ce qui est intéressant quand même avec le contrairement aux dispositions qui ont été prises, les décisions prises à Brazzaville, avec on a le CNR. Donc je vous avais dit dans le programme du CNR, c'est très au final il est très vague sur la question du sur la question de des réformes à apporter à l'Empire. Bon, la résistance française, les communistes, tout le mouvement anticolonial qui a participé à la résistance, une fois la libération acquise, vont faire poids pour que les Africains envoient des représentants à l'Assemblée constituante. Et donc on a, je crois, c'est 25 députés qui viennent, quand je parle d'Africains, là je parle de l'AEF et de l'AEF, de l'AOF, qui vont être envoyés au Palais Bourbon pour participer à la constituante, aux deux constituantes, et qui ensuite vont siéger au Palais Bourbon de 1946 à 1958. Je sais plus si c'est 58 ou 60, là j'ai un doute. Mais en gros, pendant 10 ans, on va avoir des députés africains, et on a une personne comme par exemple Houphouët Boigny qui va faire partie de nombreux cabinets ministériels. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci. Merci de nous sauver. Allez, je me lance. Est-ce qu'il y a un rapport avec la manif d'aujourd'hui, du coup ? de nos jours heureux. Quel manif. Parce qu'il y a beaucoup de manifs aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 manifs à République aujourd'hui. On a les Kurdes, donc qui est un mouvement. Au final, les mecs, ce qu'ils font, c'est une lutte nationaliste, une lutte de libération nationale qui mène. Je sais pas si c'était le PKK qui était présent sur la place. On a les jours heureux qui sont là juste à côté, qui viennent d'arriver après une marche. Ils ont fait 700 bornes et ils préparent. Je crois que c'est un collectif de plein d'associations qui lance un nouveau programme politique, une fédération d'associations qui veut lancer un grand mouvement politique. Alors je sais pas quels sont exactement leurs objectifs, mais c'est un mouvement, ils incitent à la participation et ils ont pris le nom du programme du CNR, c'est les jours heureux. Alors moi je suis allé voir sur leur site quand même, voir quelles sont les différentes réformes qu'ils proposent. Et concernant donc la politique étrangère, la question de la relation à l'Afrique, vous avez vu, je vous en ai parlé, hein, on a quand même la gestion du franc CFA qui se fait ici, on a tous les réseaux France-Africains qui vont un petit peu dans les deux sens, on a Bolloré qui construit des voies ferrées assez dangereuses en Afrique, mais qui en même temps, avec tout le pognon qui se fait en Afrique, ça lui permet de faire du business politique en France. On a la famille Bongo, on a toute la famille Bongo qui est soutenue par l'appareil militaire français, mais qui en même temps a financé pendant des années différents partis politiques et politiciens en France. Donc on a toutes ces relations-là. Et dans les jours heureux, la seule chose que j'ai trouvée là dans le programme qui viennent nous présenter, c'est une remise en cause des grands traités de libre-échange. Et dans ces traités de libre-échange, ils ont pensé à parler des accords de partenariat économique, qui sont la nouvelle monture des accords qui ont été signés dans les années 61-62 entre la France, qui faisait partie du groupe des 6 et de la communauté économique européenne, avec les anciennes colonies françaises. C'est-à-dire ce sont des accords de libre-échange où, en gros, on peut venir prendre vos matières premières sans payer de taxes, mais vous allez avoir de la chance parce que une fois les produits transformés, on va vous les renvoyer. Et par contre, quand on vous renvoie les produits transformés, vous nous demandez pas de taxes. C'est-à-dire, on vous demande pas de taxes pour votre cacao, votre uranium et autres. Donc, vous pouvez l'exporter comme vous voulez à la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin tous ces pays européens. Et les Africains, ils peuvent pas mettre des taxes sur tous les produits transformés qu'on leur amène. Donc ça, c'est une revendication. Enfin, ça, c'est un système qui est en place depuis le début des années 60. Il y a eu des accords à Yaoundé, il y a eu des accords à Lomé. Et maintenant, on a une nouvelle mouture qui est celle des accords de partenariat économique et la nouvelle mouture de la suggestion économique de l'Afrique à la France. Merci. Oui. D'autres questions ? Ouais, il y avait donc les Kurdes, les jours heureux, et puis on a également la manif. Ouais, j'en parle pas. C'est la manif pour la vérité et la justice pour Adama Traoré, qui est parti donc du Châtelet à 13h et là qui vient tout juste d'arriver. Ils sont en plein meeting. Et là, la relation entre la question de la résistance, des jours heureux et la mort d'Adama Traoré, je pense que c'est bien de faire un grand programme contributif, participatif pour transformer la société française et autres. Mais si la seule chose qu'on peut apporter dans ce programme vis-à-vis de l'Afrique, c'est dire non au traité de libre-échange CETA, TTIP, TAFTA et APE. Bah, si c'est tout ce qu'on peut apporter en France dans un mouvement politique vis-à-vis de l'Afrique, avec qui on a plein de relations, et vis-à-vis des populations qui ont des liens très forts, et notamment familiaux, avec l'Afrique, parce que Adama Traoré, il faut savoir que c'est un citoyen français, patata patata, mais oui, mais Adama Traoré, il a été enterré au Mali. Adama Traoré, il est aussi symbole de cette relation très forte que la France a avec le Mali. Je rappelle aussi que Montreuil, c'est la deuxième ville malienne au monde, après Bamako. Voilà, on a une présence très forte africaine en France, et cette présence, c'est pas seulement une présence de travailleurs et autres, c'est une présence dans l'histoire de France. Et donc c'était ma présentation, et donc il faut voilà, c'est l'objet aussi de ma présentation, c'est-à-dire donner une visibilité à l'Afrique dans les réflexions, les discussions et les programmes politiques qu'on peut élaborer en France. Merci. Oui. D'autres. Moi, je voudrais parler de la forme des exposés. J'ai déjà donné mon point de vue. C'est-à-dire que la formule qu'on emploie, y compris aujourd'hui, pour moi, n'est pas adapté à ce qu'on a fabriqué sur la place. Donc, je vous signale que j'ai déjà dit que le 8 et 9 décembre, il y avait un colloque international sur la pensée complexe. La pensée complexe étant au déplacement ce que la Ferrari est à la mobilette. Elle est donc, enfin, moi, c'est mon point de vue, mais vous pouvez en avoir un autre. Si vous voulez, moi, je demande tout de suite à Adèle quel jour je peux programmer un premier exposé sur le. Moi, je veux faire un anticolloque morinesque, c'est-à-dire un anticolloque. Pardon ? Non, mais est-ce que tu pourrais pas me donner une proposition de date ? Là ? Week-end prochain, d'accord. Alors, le prochain week-end, moi, je commence à mettre de l'information sur mon Telegram, mais il faut aussi qu'Alexandre, il commence à causer des formes. Parce que, si vous m'écoutez pas, je ferme ma gueule. La question de Nuit Debout pose des questions de forme, pas tellement des questions de fond. Alors, tu veux peut-être répondre. Juste, du coup, oui, on n'est pas à La Réunion. Mais après, on invite tout le monde à venir faire des interventions, à nous proposer, mais hors débat, du coup. Je vais rebondir sur l'intervention de Pierre. Comme ça me permet de lire le texte que je voulais lire. Alors ça me permet aussi de parler de Frantz Fanon. Est-ce que je pense que tout le monde connaît Fanon. Fanon, il s'est engagé donc volontaire. Il a été médaillé croix de guerre, ouais. Et il a été d'ailleurs médaillé croix de guerre par quelqu'un qui s'appelle un militaire qui s'appelle Salan. Et qui va se distinguer dans la France, dans l'Algérie française. C'est intéressant. Fanon qui, à partir de la libération de la France, en fait, c'est-à-dire quand il rentre, quand il passe dans l'Est et qui se dirige vers Strasbourg, alors il sera blessé dans les Vosges, mais il est dégoûté, il est dépité. La guerre, son expérience de guerre, d'engagé volontaire, va être très, très, très mauvaise pour lui, et il va rentrer en Martinique complètement dépité et déçu par notamment, alors il n'en parlera pas beaucoup, mais par le racisme qu'il a rencontré en France. Je vais vous lire un passage de la conclusion de son grand ouvrage, Les damnés de la Terre. Je voulais conclure là-dessus, donc j'en profite parce que peut-être que ça fera écho avec la question de la pensée complexe et toutes les réflexions qu'on peut se faire. Alors, je vous lis. Tous les éléments d'une solution aux grands problèmes de l'humanité ont, à des moments différents, existé dans la pensée de l'Europe. mais l'action des hommes européens n'a pas réalisé la mission qui lui revenait et qui consistait à peser avec violence sur ces éléments, à modifier leur arrangement, leur être, à les changer, enfin à porter le problème de l'homme à un niveau incomparablement supérieur. Aujourd'hui, nous assistons à une stase de l'Europe. Fuyons, camarades. Ce mouvement immobile où la dialectique, petit à petit, s'est muée en logique de l'équilibre. Reprenons la question de l'homme. Reprenons la question de la réalité cérébrale, de la masse cérébrale de toute l'humanité dont il faut multiplier les connexions, diversifier les réseaux et réhumaniser les messages. Allons, frères. Nous avons beaucoup trop de travail pour nous amuser des jeux d'arrière-garde. L'Europe a fait ce qu'elle devait faire et somme toute, elle l'a bien fait. Cessons de l'accuser, mais disons-lui fermement qu'elle ne doit plus continuer à faire tant de bruit. Nous n'avons plus à la craindre, cessons donc de l'envier. Là, il s'adresse aux damnés de la Terre, aux peuples colonisés. Le tiers-monde est aujourd'hui en face de l'Europe comme une masse colossale, dont le projet doit être d'essayer de résoudre les problèmes auxquels cette Europe n'a pas su apporter de solution. Voilà, ça c'est la pensée de la conclusion des damnés de la Terre de Fanon. Comment ? Alors ça date de décembre 1961. Voilà, Fanon, il a le mouvement, bon, après avoir rejoint l'Algérie, s'est engagé auprès du FLN. Bon, en fait, après, il n'y a pas eu d'après. Il est resté engagé, il s'est engagé auprès du FLN dès le début de la guerre de libération de l'Algérie. Il s'est réfugié en Tunisie, où il a participé à l'édition du journal de l'organe du FLN en exil, qui s'appelle El Moudjahid. Et il a été nommé représentant du gouvernement provisoire de l'Algérie au Ghana, à Accra. Il a cherché en 1960 à ouvrir un nouveau front et un nouveau front par le sud de l'Algérie en alimentant ce front en armes via la Guinée et le Mali qui se trouve au sud de l'Algérie. Et donc il a mené une campagne. On a toujours ces carnets de la petite campagne qu'il a menée entre le Mali et l'Algérie. Et ensuite, en 61, il rédige cet ouvrage, Les damnés de la Terre, qui a une fameuse préface de Sartre. Et il meurt d'une leucémie une semaine après la sortie du bouquin, en décembre 1961. Merci beaucoup. D'autres questions ? Non ? Après, peut-être qu'on peut conclure bientôt, je ne sais pas, mais... Ou si tu veux rajouter des trucs. Ouais, voilà, comme ça on a à peu près, on se rattrape, voilà. En fait la conclusion, on va rester sur le texte de Fanon que je vous ai lu et voilà, merci beaucoup pour votre attention à tous dans des conditions un petit peu difficiles. Voilà, mais voilà, c'était un plaisir. Et le texte que je vous ai lu, je l'ai écrit et il sera disponible avec l'enregistrement sur notre site internet. Et puis je mettrai des références parce que j'ai donné pas mal de références. Voilà, tout ça, ce sera disponible à partir de début de semaine prochaine sur notre site educpopdebout.org. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Il va pas tarder à pleuvoir. Et je suppose qu'on a pas de...